traverser les mers. Je saurai faire défier les machines, larguer des lois, les foudres divines. Ça m'effraie pas. Je vais prendre un coup, le rendre aussi, rimer des clous. Ça, j'ai appris. Je suis pas victime, je suis pas colon. Et pour qu'on m'abîme, faut que je tombe. Je sais hiver. Je sais pas. Je sais pas.